11-17. Activation orale, le temps qu'il fait. Continuez les phrases que vous allez entendre selon l'exemple. Vous entendez? 1. En été, il fait beau. Mais en hiver... Alors vous voyez... Mauvais. Et vous dites? Il fait mauvais. Allons-y. 2. En janvier, il fait froid. Mais en août... Il fait chaud. 3. En juin, il fait bon. Mais en avril... Il fait frais. 4. En été, le ciel est bleu. Mais en automne... Il y a des nuages. 5. En automne, il pleut. Mais en hiver... Il y a de la neige. 6. En automne, il y a des nuages, mais en été... Il y a du soleil.